Question orale sur les petits commerces de quartier. Question numéro 1. Qu'est-ce que beaucoup de petits commerces font aujourd'hui? Numéro 2. En 1996, qu'est-ce que le gouvernement fait? Numéro 3. Pourquoi est-ce que le gouvernement aide les petits commerces? Question numéro 4. Quels sont les avantages des petits commerces sur les supermarchés? Et enfin, qu'est-ce que les Français cherchent aujourd'hui? That's it for today. À demain.